Okay, we judge it only 23 because of time. Johannes 8, verse 23. Just 23. And he said unto them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Amen. Is somebody getting something? Amen. We go to John 17 later. But go to John 3 now, please. Donc il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. On va lire maintenant Jean 3. Look at the verse 31. Verset 31. Amen. He that cometh from above is above all. Amen. The question is, are you from above? I frage, bist du von oben? Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, mais la question est que est-ce que tu es d'en haut? Are you above their results? You are above their reports. You are above everything. Amen. So well, you know, you don't bring yourself down. Are you getting it? Die Frage ist, bist du über ihren Ergebnissen, bist du über ihrer Meinung, bist du über ihnen? Deswegen sollst du dich nicht unterschätzen, dich kleiner sehen als du bist. Amen. Et donc, est-ce que toi tu es au-dessus de leurs problèmes, au-dessus de leurs résultats? Est-ce que tu es vraiment au-dessus de tout ça? Parce que là, tu l'es, donc tu ne dois pas vouloir te rabaisser à leur niveau. You know, a lot of time we always want to come down from where we are, from above. We always want to calm down. We want to have their, you know how, we want to have their results. Sie wollen ihre Ergebnisse good results. Haben. Their good reports. Ihre Berichte haben. You know, what they call good. Das, was sie gut nennen. Donc nous, on veut toujours you know, people like you. Résultat. I don't want anybody to like me. Amen. Christ loves me. I'm satisfied. Amen. Du bist, willst so wie sie sein, willst von allen Leuten gemocht werden, aber ich will nicht von allen Leuten gemocht werden. Ich will nur von, ich weiß, dass ich von Christus geliebt werde und das reicht. Nous, on veut toujours se rabaisser. Et vous savez, quand est-ce qu'on veut se rabaisser? Quand on veut toujours avoir le même résultat que eux, on veut qu'ils puissent nous aimer, qu'on puisse être sympathique pour eux. Et tout ça, c'est la manière à laquelle on est en train de se rabaisser. Mais nous, si tu es vraiment conscient comme le royaume des cieux, moi, par exemple, je n'ai pas envie d'être aimé parce que l'Éternel même déjà. Et c'est pour cela que je n'ai pas besoin de l'amour de l'être humain. Et oui, je suis au-dessus de toutes ces histoires-là. Et Jésus-Christ me suffit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You seek what they seek. Mm-hmm. They seek love. Sie suchen nach Liebe. You thank him for his love for und you. Und du dankst you don't seek love. Die stop seeking those things that they seek. Mm-hmm. That they are after. Amen. They are dead. It is made for the dead people. Mm-hmm. You are alive. Through Christ. Amen. See things that are of heaven. Amen. The Lord should be everything for you. Amen. That's how you have his peace, his rest. Hör auf, nach den Dingen zu suchen, nach denen diese toten Menschen suchen, denn du hast alles schon in Jesus Christus. Donc ne cherche pas tous ceux qui sont en train de chercher ici sur terre, parce que toi, en Christ, tu as tout. Eux sont en train de chercher de l'amour. Toi, tu remercies à l'Éternel qu'il t'aime. Donc ils sont en train de chercher, tous ceux qui sont en train de chercher, toi, tu remercies l'Éternel que tu as une relation avec lui. Praise the Lord. Yeah, yeah. Look at verse 31. Verse 31. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from above is above all. Amen. I don't know if somebody's getting it. Amen. Amen. So simple that we cannot even understand it. So simple. Verstehen kann. Donc c'est les histoires du royaume des cieux. C'est si simple, mais c'est difficile à le comprendre. Amen. Amen. The Lord always remember where he is from. Der Herr erinnert sich immer daran, never wo er forget kommt. It. Er vergisst es niemals. Mm. Donc l'Éternel ne l'oublie jamais d'où il vient. Il n'a jamais oublié ça. And we should never forget either. Und wir sollten es auch niemals vergessen. Et nous aussi, on ne doit jamais le chercher, l'oublier. Amen. Mm. You will not go to Nigeria forget that you are a citizen of the kingdom of heaven. Wenn du nach Nigeria gehst, wirst du nicht vergessen, dass du ein deutscher Staatsbürger bist. Tu vas pas partir au Nigeria et tu oublies que tu es un citoyen de l'Allemagne. You know, when we were in Nigeria, where was it? Some years ago. Amen. You know, during the beginning of Corona or so. Was it not the beginning? Yeah. And your children, you left. God said that. And Papa and myself, we are now remaining there. Amen. Mm-hmm. Instead of a month, we spent 4 months or so. Mm-hmm. 3 months. You know, we never forget where we are from. Mm. Are you getting it? We never forget that we don't belong here. Amen. We are always expecting to come here. Mm. Are you getting it? Yeah. We never forget that we never now just be used to them and just let us remain. Mm. Is somebody getting it? Als wir damals 2020 in Nigeria waren und die Kinder sozusagen zurückgekommen sind, ohne uns, und wir noch 3 Monate weiter verblieben sind in Nigeria wegen der Pandemie, haben wir in dieser Zeit, in der wir in Nigeria waren, niemals vergessen, dass wir Deutsche sind. Wir haben niemals vergessen, dass wir wieder zurückkommen werden, ne, nach Deutschland. Es war nicht so, als ob wir gesagt haben nach einer Woche, okay, dann sind wir eben jetzt komplett Nigerianer und wir streben nicht mehr danach zurückzukommen, sondern wir wussten immer noch, wer wir auf Papier sozusagen sind. Und so ist es auch im Königreich Gottes. Egal, wie lange du irgendwo bist, du weißt immer noch, wer du bist. Et en fait, c'est aussi comme nous, par exemple, quand on était pendant la pandémie, on était au Nigeria, on devrait rester juste que 4 semaines là-bas, mais on a fait 3 mois là-bas. Et on n'était pas vraiment, on n'avait pas des inquiétudes parce qu'on savait que nous sommes des Allemands et on vient de l'Allemagne et on va retourner en Allemagne, peu importe quel jour, mais on savait que nous ne sommes pas comporter aussi comme des Nigériens qui ont peur là-bas, qui sont là-bas. On savait d'où on vient et où on va finir à partir, par exemple. You know, Joseph also is Jesus Christ. He was here, but he never forget heaven. Genauso ist auch mit Jesus Christus. Er war hier auf Erden physisch, aber er hat nicht vergessen, dass er aus dem Himmel ist. Tout comme Jésus-Christ, lui, il était ici sur la terre, mais il savait d'où il venait. So also you got children, genau, the citizen of heaven. Ihr Kinder Gottes, ihr seid Bürger des Himmels. Tout comme nous aujourd'hui, les citoyens du royaume des cieux, les enfants de Dieu. We never forget where we are from. Wir vergessen niemals, woher wir kommen. Amen. On ne doit jamais oublier d'où on vient. Amen. Amen. Let us remind one another where we are from. Lass uns einander erinnern, woher wir kommen. On doit vraiment se rappeler l'un vers l'autre d'où on vient. Amen. Amen. Imagine when we were there, we just forget everything. Stellt euch vor, wir würden einfach vergessen, everything need to be woher over. Wir sind, während wir da sind, es wäre vorbei. Imaginez-vous que quand on était là, papa et moi, on allait oublier tout ce que oui qu'on vient d'ici. Là, on allait vraiment paniquer. You know, apart from us, you know, when there is problem in another country, like the other time in Afghanistan, there was problem there. The Germans, they took the world. They went there to take their people. Mm. The American went there to take. You can see. You know, if somebody say, "Let me just," as a German, you forget and just you cannot even remember again. You will still be there. Amen. Learn to remember who you are in Christ Jesus. Ihr seht, dass wenn es Probleme gibt im Ausland, dass dann halt alle Länder ihre eigenen Leute sozusagen rausziehen aus den Ländern. Aber damit du rausgezogen wirst von deinem Land, musst du dir erstmal bewusst sein, dass du zu einem anderen Land gehörst und dich sozusagen auch registrieren dafür. Wenn du dich einfach anpasst und deinen Pass wegschmeißt und ins Meer schmeißt und dich einfach dann einsortierst in die Bürgerschaft, in der du dann hier bist, dann wird die deutsche Regierung dich nicht suchen unter den ganzen Nigerianern. Du musst selbst raus hervortreten und sagen, ich bin deutsch, und dann wirst du auch rausgezogen. Donc en fait, on va aussi le voir que quand nous, par exemple, on était là-bas au Nigeria, si on oubliait d'où on vient, on allait rester jusqu'aujourd'hui encore au Nigeria. Mais vu qu'on savait qu'on vient de l'Allemagne, on a pu aussi parler, se faire voir, parce que les Allemands, dès qu'il y a une crise, ils partent dans des pays pour reprendre les siens. Et c'est comme ça, mais toi, étant les siens, tu dois être conscient d'où tu viens pour qu'ils puissent te prendre. We quickly go to John 7, please. John 7. John 7. 2 to 10. Now the Jews' feast of tabernacle was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Jerusalem, Judea, sorry, that your disciple also may see the work that thou doest. Look at this, the natural family. Schaut euch die natürliche Familie an, wie sie sich über ihn lustig macht. Donc on va voir comment la famille se moque de lui, de verset 2 à 10. They were making jest of him. Die weltliche Familie hat sich über ihn lustig gemacht. Donc la famille naturelle s'est moquée de lui. Go and show yourself to your disciples. Let them see you. Amen. It's all about them. Praise the Lord. Und gesagt, geh und zeig dich doch den Leuten. Und es ging halt einfach nur um sie. Donc, ses frères l'ont dit, mais toi, va acheter des disciples parce que pour toi, il ne s'agit que d'eux. Verse 4, look at what the still says. Verse 4. He said, for there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show yourself to the world. Are you getting it? You can see it, what the natural family has said. Ihr seht, was die natürliche Familie zu ihm sagt, zu Donc Jesus tu vois, sagt. Tu vois ce que la famille That's naturelle fact. Dit à Jésus-Christ. For neither did his brethren believe in him. Praise the Lord. Alleluia. They never believed in him. Sie haben niemals an ihn geglaubt. Verset 5, tu vas voir que même ses frères n'ont pas cru en lui. Praise the Lord. Alleluia. And we are surprised if they don't believe our message. Und wir sind verwundert, wenn die natürliche Familie unsere Botschaft, die Botschaft von Gott nicht glaubt. Et nous, on est surpris aujourd'hui quand notre famille naturelle ne croit pas à nos messages. We are not different from our father. Wir sind nicht anders als unser Vater. Mais ça se voit qu'on n'est pas différent de notre père. If they believe him, they will believe us. Wenn sie ihm glauben, werden sie auch uns glauben. Parce que s'ils croient à notre père, ils vont aussi nous croire à nous. Verset 6. Then Jesus said unto them, my time is not yet come. But your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hated, because I testify of it, that the works thereof are evil. Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. When he has said these words unto them, he abode still in Galilee. But when his brethren were gone up, then went he also unto the feast, not openly, but as it were in secret. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Salvation is also knowing who we are. Errettung ist auch zu wissen, wer wir sind. Le salut, c'est aussi de savoir qui tu es. Knowing who we are and where we are from. Zu wissen, wer wir sind, that's woher wir kommen, das ist Errettung. De savoir qui tu es, d'où tu viens. Amen. Ça, that we are citizens of heaven. Dass wir Bürger des Himmels sind. Que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Amen. Amen. Ephesians call us heavenly citizens. Ephesians nennt uns himmlische Bürger. Ephesians nous appelle des citoyens du royaume des cieux. He wants us to be rooted in it. Il veut que nous verwurzelt sind in dieser Identität. Et lui, il veut qu'on puisse être raciné dans cette identité. We don't beg, we remember who we are, where we are from. Wir betteln nicht darum, irgendwas zu sein, sondern wir erinnern uns daran, an wer wir sind. On lui en supplie pas d'être qui, d'être quelqu'un, mais on doit se rappeler nous-mêmes qui nous sommes. Allow the Holy Spirit to remind you of who you are. Lass uns der Heilige Geist daran erinnert, wer du bist. Laisse que le Saint-Esprit te rappelle qui tu es. Allow the Holy Spirit to remind you where you are from. Der Heilige Geist soll dich daran erinnern, woher du kommst. Laisse au Saint-Esprit de t'aider de se rappeler qui tu es. And that's how the engine is kicked. Und so startest du den Motor. Praise the Lord. Hallelujah. The engine, you know, you take it. And those of you that drive, you know, when you take it, you just push it in. Then, or there's a button. There are some cars now with buttons. Amen. You know, you push it in and kick it. Amen. You kick it by reminding yourself that you have heaven. Mm. And you belong there. Du startest diesen Motor, an dem du dich daran erinnerst, dass du zum Himmel gehörst. C'est comme si tu étais en train d'ouvrir par exemple tu démarres un moteur, tu es en train de démarrer le moteur, et comment tu le fais, tu démarres quand tu te rappelles d'où tu viens. Amen, amen. Remember, you know, to kick the engine. Erinnere dich daran, diesen Motor zu starten. Rappelle-toi toujours de démarrer le moteur. Amen. Amen. Remember where you are from. Erinnere dich daran, woher du kommst. Rappelle-toi d'où tu viens. Remember where you belong. Erinnere dich daran, wohin du gehörst. Rappelle-toi d'où tu viens. Amen. It's not remember where you are going. Remember where you are from. Remember where you belong. Even with sicknesses and diseases, there is no sicknesses and diseases in heaven. Amen. And that is why they cannot come to you. Amen. If they are even there, they have to bow down and leave. Amen. Und erinnere dich nicht daran, wohin du gehst, und erinnere dich daran, wer du bist. Ne? Dass selbst wenn Krankheiten und sonstiges kommen, im Himmel gibt es diese Dinge nicht. Und wenn sie kommen, müssen sie vor dir niederknien. Amen. Donc ne rappelle pas d'où tu pars, rappelle-toi d'où tu viens. Et quand tu te rappelles de ça, ça va te, oui, ça va t'aider vraiment à être conscient de qui tu es et de ton royaume. Amen. Amen. In your dreams, you know, when you dream, you know, somebody getting it. No matter how bad it is. Dream, then you are above dreams. Amen. Stehst du über den your Traum. Children, you are above dreams. Amen. Als Kinder Gottes stehen wir über den Träumen. Et même si tu as un rêve ou bien, oui, un songe vraiment très horrible, par exemple, faut pas avoir peur. Tu dois te rappeler qui tu es, que tu es au-dessus de tous ces rêves. In the natural world, yes, dream control. Amen. That should be way of their dreams. Dans le monde naturel, ce sont les rêves qui contrôlent les êtres humains. Amen. In the old world, the period of the father, the period of the son, yeah, the dream was common. Amen. Through dream, the Lord speaker was speaking. Amen. And Satan knows it. That's why he manipulates dreams so much. He knows that people love dreams. Hat der Herr mit ihnen oft über durch Träume gesprochen, und der Satan weiß das, und deswegen manipuliert er Träume, weil er weiß, dass Leute sich auf Träume verlassen oder durch Träume ihr Leben lenken lassen. Même dans l'ancien, par exemple, oui, l'Éternel Dieu a aussi beaucoup parlé à travers des rêves, et c'est pour cela le diable a voulu aussi a appris aussi à manipuler les rêves. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when Jesus came here, he never talked anything about dreams. Als Jesus hier gekommen ist, hat er niemals über Träume gesprochen. Nothing dream, because he is above. Denn er steht da drüber. Don't you know that is how you are above. Und so stehst du da drüber. Quand Jésus-Christ est venu ici, il n'a jamais parlé des rêves. Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a pas donné ça beaucoup de valeur. Et c'est parce que lui, il est au-dessus des rêves. Et toi aussi, tu es au-dessus des rêves. Please learn to remember where you are from. Lernt bitte euch daran zu erinnern, wo ihr kommt. Rappelez-vous d'où vous venez. Remember your citizenship. Erinnere dich an deine Bürgerschaft. Apprenez à vous rappeler de votre royaume. We are supposed to be of heaven. Wir müssten alle eigentlich vom Himmel sein. Normalement, on devrait être tous des citoyens du royaume des cieux. But since the fall. Aber seit dem Sündenfall. Mais depuis la chute de l'homme. Everything here has been polluted. Wurde alles hier verunreinigt. Tout a été pollué. You know, we were in Revelation 12:12. In Offenbarung 12:12 waren wir. In Apocalypse 12:12. Where he said, "War unto the earth." Wo er sagt, wehe der Welt. On because of the pollution. Quand il a dit au monde, il a dit que oui, il a dit au monde, il a averti au monde à cause de la pollution. Amen. Verunreinigung. Amen. Amen. Amen. We are supposed to come from him. Wir alle sollten eigentlich von ihm kommen. Genesis 1:26. He said, "Let us make man in our." You can see that if it was before the fall. Donc dans Genèse, avant la chute de l'homme, lui, il a dit que on doit faire l'homme à notre image. Donc nous, normalement, on devrait venir de lui. Amen. Amen. And also in Genesis 3. Amen. Auch in 1. Mose 3. Then the fall. Und der Sündenfall. Et même à Moïse, à Genèse 3, après la chute de l'homme. Amen. Amen. Because that is why Jesus came here to save us. Because since before there was war, there was now war between God and man. Und deswegen ist Jesus hingekommen, weil es nach dem Sündenfall Krieg zwischen Gott und den Menschen herrschte. Et c'est pour cela même Jésus-Christ est venu ici sur terre, parce que après la chute de l'homme, il y avait vraiment une guerre horrible entre Dieu et l'être humain. Amen. Amen. And everything here on earth became evil. Und alles hier auf Erden wurde bösartig. Et toutes les choses ici sur terre sont devenues mauvaises. And Jesus came here and separated himself from everything here, including the natural family. Und Jesus hier gekommen und hat sich von allem getrennt, auch der natürlichen Familie. Et Jésus-Christ est venu ici sur terre et puis s'est séparé de toutes choses, et aussi inclus aussi la famille naturelle. Amen. Amen. Who will you love more than Jesus? Wen wirst du mehr lieben als Jesus? Qui vas-tu aimer plus que Jésus-Christ? Jesus never loved anybody more than Amen. His father. Jesus hat niemand mehr geliebt als seinen Vater. Amen. Jésus-Christ n'a jamais aimé quelqu'un de plus que son père. Let's go to Matthew 12 again. Matthäus 12. On va lire Matthieu 12. Amen. Amen. And remember what Jesus told the mother. Und so erinnern, was Jesus der Mutter gesagt hat. Et se rappeler ce que Jésus-Christ a dit à sa mère. Praise the Lord. Alléluia. Matthew 12, verse 46. The love of mother, the love of father. Matthieu 12, verset 46. The love of the flesh. Die Liebe zur Welt, die Liebe zur Mutter, zum Fleisch. Das wird dich, es ist so tödlich, es wird dich von Jesus Christus wegzerren. L'amour de la mère, l'amour de ton père, ou bien l'amour de ce monde, ça va vraiment t'écarter de Jésus-Christ, c'est vraiment diabolique en fait. You know, it's not that Jesus did not love his mother. He loved him. He loved her with the love, with God kind of love. Mutter nicht geliebt hat, sie geliebt mit seinem not with the this work of love. Nicht mit der Sache, mit der Liebe dieser Welt. Donc on ne sait pas que Jésus-Christ n'a pas aimé sa mère, mais il a aimé sa mère à travers l'amour de l'éternel de Dieu et pas l'amour de ce monde. 46 bis zum Ende. Verset 46 jusqu'à la fin. He said, why he yet talked to the people? Behold his mother. And his brethren stood without a desire to speak with him. Then one said unto him, behold your mother, and your brethren stand with us, desiring to speak with thee. And he answered and said unto him that told him, who is my mother, and who are my brethren? And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, the same is my sister, Amen. And the same Amen. Is my mother. Remember the John 7 we read. The natural family, I'm coming, Shah. The natural family said, go and show yourself to your disciples. Remember that, we just read that. Die natürliche Familie hat gesagt, geh und zeig dich deinen Jüngern. On venait de lire que la famille naturelle a dit à Jésus-Christ, ben va te faire montrer à tes disciples. Because they are now the only family you have. Sind die einzige Familie, die du jetzt hast. Parce que eux, ils sont la seule famille que tu as. They are saying it to me today. Sie sagen es mir auch heute. Et c'est ce qu'ils me disent aussi aujourd'hui. And they are saying it to those of you that also choose Christ. Und sie sagen es auch denjenigen von euch, die sich auch für Christus entschieden haben. Et ils le disent aussi aux gens qui ont d'entre vous qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. No, Jesus had to separate himself from everything, from the natural. Jesus musste sich vom Natürlichen trennen, denn er ist übernatürlich. Jésus-Christ a dû se séparer, vraiment s'écarter de la famille naturelle, parce que lui, il est surnaturel. If he did not separate himself, he would never be able to save us. Hätte er sich nicht getrennt, hätte er uns nicht retten können. Si il n'était pas, il ne se séparait pas de sa famille naturelle, il n'allait pas être capable à nous sauver aujourd'hui. Remember, Adam did not separate himself from Eve. Et rappelle-toi que Adam ne s'est pas séparé avec Ève et c'est pour cela eux deux, tous les deux sont tombés. Amen. Amen. Amen. Until you are completely separated from them, du nur getrennt bist von cannot be saved. Kannst du errettet sein und weiterhin errettet bleiben? Tu peux seulement être tu peux seulement avoir ton salut et continuer à être sauvé seulement quand tu te sépares, tu t'écartes de ces gens-là. If Lot followed his wife, he would not be saved. Wäre Lot seiner Frau gefolgt, wäre er nicht errettet. Si Lot avait suivi sa femme, il n'allait pas être sauvé. If Jesus did not leave her, he would not be able to save us. Hätte Jesus nicht alles verlassen, er wäre nicht in der Lage gewesen, uns zu retten. Si Jésus-Christ n'était pas, n'avait pas tout laissé derrière lui, il n'allait pas être capable de nous sauver aujourd'hui. You know, this message always offends people. Diese Botschaft kränkt Menschen immer. Ce message ici est toujours prêt à offenser les gens. Amen. Amen. They love their fleshly family more than they love Christ. Weil sie ihre fleischliche Familie mehr lieben als Christus. Aber ich verweigere das in Jesus' Namen. Parce que eux, ils aiment leur famille naturelle, même plus qu'ils aiment Jésus-Christ, et ça, je le rejette au nom de Jésus-Christ. He left everything for me. Er hat alles für mich verlassen. Lui, il a tout abandonné pour moi. And he came here to save me. Und er ist gekommen, um mich zu retten. Il est venu pour me sauver. Amen. He is not telling me to do what he did not do. Er sagt mir nicht etwas, was er selbst nicht getan hat. Il me dit pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Amen. He left a place called home. Er hat sein Zuhause verlassen und wurde obdachlos. Il a laissé sa maison, il est devenu quelqu'un qui n'a pas de maison. Un clochard en fait. He became homeless because of me. Er wurde wegen mir obdachlos. Amen. Il est venu à cause de moi, il est devenu sans abri. Amen. Well, let's go to John 17. Johannes 17. Jean 17. Praise the Lord. Alléluia. We cannot go through all the day. You're blessed. Praise the Lord. Alléluia. John 17. Johannes 17. Jean 17. 16 à 17. Amen. Are we there, please? First of all, John 10. Put something in John 17, please. We are coming. First of all, John 10. Johannes 10 erstmal und danach Johannes 17. John 10 d'abord. From verse 15. John 10 from verse 15. J'en dis sur ces 15. 18. 15 à 18. As the Father knoweth me, even so know I the Father. And I lay down my life for my sheep. 16. Another sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring. And they shall hear my voice. And there shall be one fold. And one sheep, and one shepherd. Amen. Verse 17. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. You never give him things and lose. Du gibst ihm niemals etwas und verlierst dabei. Il a dit que c'est pour cela que mon père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Donc tu ne donnes jamais quelque chose et pour ne pas le reprendre. Whoever you surrender to him, he will always save them. If not even here, but when they are at the end. Wie auch immer du ihm übergibst, er wird diese Leute retten, auch wenn nicht hier auf Erden, dann am Ende. Et donc, tu ne donnes pas quelque chose à Jésus-Christ et pour le perdre à la fin. Et donc, tout ce que tu donnes à l'Éternel, il va bien le garder. Remember what he told Peter. Als Petrus gesagt hat, wir haben alles verlassen. Rappelle-toi ce qu'il a dit à Pierre quand Pierre lui a dit qu'on a tout laissé. Il a dit immer ein hundertfältiger Lohn für alles, was du verlassen hast. Et il a dit que ton salaire, ça sera 100 fois de plus pour tout ce que tu as laissé derrière toi. Your time. Selbst deine Zeit. Ta récompense, ça sera vraiment... You spend to come here and listen to him. Die du gegeben hast, um hier hinzukommen. Sie ist niemals verschwendet. Mère, t'entends, le temps que tu as donné pour venir ici pour lui écouter, ce n'est jamais perdu. Amen. He's a giver. Er ist ein Geber. Parce que lui, il est quelqu'un qui donne. Amen. You never give him anything in vain. Nichts vergeblich. Selbst seine Zeit ist nicht vergeblich. Tu ne lui donnes jamais quelque chose en vain, même pas ton temps. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verset 18. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Praise the Lord. Hallelujah. He chose to come here. Er hat sich entschieden, hinzukommen. Donc le Christ il a décidé de venir ici. To save me and you. Um dich und mich zu retten. Pour te sauver, toi et moi. Amen. Amen. Now John 17, please. Johannes 17. Jean 17. Amen. He is not of here. Er ist nicht von hier. Lui ne vient pas d'ici. Just like you and me. Genauso wie du und ich. Tout comme moi et toi. It means we are not different from him. Wir sind nicht anders als er. Ça veut dire qu'on n'est pas différent de notre père. John 17, verse 16 Johannes 17, 16 and 18. Jean 17, 16 à 18. Amen. He says they are not of the world, even as I am not of the world. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that he says, me and you, we are just him. Exact. Du und ich, wir sind er. Donc, tu peux voir qu'il a dit que toi et moi, nous sommes lui. Amen. Amen. Verset 18. As thou hast sent me into the world, even so I have also sent them into the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Matthew 12, please. Matthäus 12. Matthieu 12. Amen. Amen. Amen. Or let's go to Luke 17. It's better, please. Let's go. They are both. They are one, but let's go to Luke 17. Luke 17. Luke 17. Because of time, please. Luke 17. Luke 11, verse 27 and 28. Praise the Lord. Hallelujah. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that thou bear, that bear thee, and the pass which thou hast sought. Can you see the flesh? Completely. Donc ici, on voit la femme qui dit que heureux le sein qui vous a apporté et les mamelles qui vous a, que vous avez sucé. Tu vois vraiment que la dame ici était vraiment charnelle. Verset 28. Verset 28. Then he said, rather, yea, rather blessed are they that hear the word of God. Keep it. Amen. Praise the Lord. Et Dieu dit heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Amen. Thank Jesus, I'm dead to this world. Thank Jesus, ich tot bin für diese Welt. Dieu merci, nous sommes morts pour ce monde. And this world is dead to me. Diese Welt ist tot für mich. Et ce monde est mort pour moi. Amen. Remember, there's a place he said, yeah, you have no hope. He said, the birds have nets. But he does not have hope. But that does not change the fact that he's a citizen of heaven. Er hat euch daran, dass er an einer Stelle gesagt hat, dass er hier kein Zuhause hat, kein Bett hat, keinen Kopf gesehen hat, wo er sich legen kann. Aber es ändert nichts an der Sache, dass er ein himmlischer Bürger hat, dass er all das im Himmel hat. Rappelez-vous qu'il a dit que lui, il n'a pas de maison, il n'a pas un lit, il n'a pas un coussin où il peut se reposer. Mais rappelle-toi que juste parce qu'il n'avait pas ça, ça ne signifie pas qu'il n'est pas un citoyen du royaume des cieux. Ça ne signifie pas qu'il n'a pas toutes ces choses-là dans son royaume. Praise the Lord. Do not to be in heaven, what Christ called heaven, you must be dead. Musst du erstmal tot sein. Pour être dans le royaume des cieux, tu dois vraiment être mort. What Christ called death. Was Christus tot nennt. C'est que l'Éternel appelle mort. And not what this world called death. Nicht was diese Welt tot nennt. Pas ce que ce monde appelle mort. Amen. That you are saved does not mean you have made heaven. Dass du errettet bist, heißt noch nicht, that dass you are saved does not mean you are already in heaven. Dass du errettet bist, heißt noch nicht, dass du schon im Himmel bist. Juste parce que tu as ton salut, tu es né de nouveau, ça signifie pas que tu es déjà dans le royaume des cieux, ou bien praise tu seras dans le royaume des cieux. Amen. That you are saved does not mean you are already in heaven. Dass du errettet bist, heißt noch nicht, dass du schon im Himmel bist. Juste parce que tu es né de nouveau, ça signifie pas que tu es dans le royaume des cieux. To be in heaven, you must first of all die. In Romans 6, Donc, pour, on va aller d'abord lire Romains 6. Pour être dans le royaume des cieux, tu dois d'abord mourir. Romains 6. Heaven called death. Parce que Himmel tot nennt. C'est que le royaume des cieux appelle la mort. Praise the Lord. Amen. Verse 7 then. Let's read from verse 7. Amen. Verse 7. He said, for he that is dead is free from sin. Now, if it means free from the flesh. Free from flesh. So this sin means flesh. Sünde heißt Fleisch. Donc, le major heißt Fleisch. Et là, celui qui est mort est affranchi du péché. Donc, au lieu de mettre péché, disait la chair. Remplacez ce mot avec chair. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Amen. Amen. Then in verse 9 said, knowing that Christ being raised from the dead, died no more. Death had no more dominion over him. For in that he died. He died unto sin once. But in that he liveth unto God. Verse 11. Likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Praying the prayer of salvation does not mean you are already in heaven. Gebet, das Errettungsgebet betet, heißt nicht, dass du schon im Himmel bist. Juste parce que tu pries la prière du salut, ça signifie pas que tu es déjà, oui, que tu es dans le royaume des cieux. Everything, both the word of Christ. Das Wort von Christus. Même la parole de l'Éternel. Both the system of the world. Le système de Welt. Et aussi le système de ce monde. Both Satan and his lies. Et Satan seine Lügen. They are going to try you. Werden dich versuchen. Le diable et ses mensonges, tout ça. Ça va te, ils vont t'éprouver. It takes promotion to be in heaven. Es braucht Beförderung, im Himmel zu sein. Tu as besoin d'une promotion pour être dans le royaume des cieux. You know, I've noticed something. People hear that we are here, some that we are here before. You know, once you just when you are correcting and you are helping them to understand Christ, they will say, does it mean we are not saved? You know, I don't want to be saved and not be in heaven. Are you getting it? You know, it's like you being in this house. It's like, you know, to be saved is a visa. Was mir aufgefallen ist bei den Leuten, die früher in der Gemeinde waren, dass oft, wenn wir mit ihnen, wenn wir sie belehrt haben, haben sie irgendwann an einem Punkt gesagt, heißt es, dass wir jetzt nicht mehr errettet sind. Aber man muss verstehen, dass es geht nicht darum, errettet zu sein, aber dann halt nicht im Himmel zu leben. Ich will nicht errettet sein, ohne auch im Himmel zu leben. Et j'ai remarqué une chose que les gens qui étaient ici, qui fréquentaient cette église avant, qui sont partis, beaucoup d'entre eux, quand tu les corrigeais, tu les as aidés à comprendre le royaume des cieux, que c'est différent. Ils te posaient la question, ben, ça signifie que nous sommes pas, on n'a pas le salut, nous ne sommes pas sauvés, mais pour, seulement juste parce que tu es sauvé, tu as ton salut, ça ne signifie pas que tu es dans le royaume des cieux. Je vais vous expliquer. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, you can't be saved and not be in heaven. Du kannst errettet sein und nicht im Himmel leben. Tu peux avoir ton salut et être né de nouveau, mais you know, to be saved is it's like when you are, you know, if you are in Nigeria, if they give you visa to come to Deutschland, to come to Germany, it's as if you are already there because of the visa, but you are not there. Errettet zu sein ist so, als ob du in Nigeria lebst und ein Visum beantragt hast für Deutschland und du hast das Visum bekommen. Aber es heißt jetzt nicht, dass du schon in Deutschland bist. Du hast einfach nur das Visum für Deutschland, aber bist noch nicht in Deutschland. Quand tu es né de nouveau, par exemple, c'est comme si tu es, par exemple, disons au Congo ou bien au Nigeria, et on te donne maintenant un visa pour revenir en Allemagne. Juste parce que tu as le visa, ça ne signifie pas que tu es en Allemagne. Are you getting it? Yeah. It does not mean you are already in Deutschland. Das heißt nicht, dass du schon in Deutschland bist, weil du das Visum hast. Because there are a lot of things going to take place. So also, once you pray the prayer of salvation, there are a lot of things going to take place. Genauso wie wenn du das Gebet, das Errettungsgebet betest, werden noch viele andere weitere Schritte folgen, bevor du wirklich im Himmel lebst. Et c'est de la même chose aussi avec le royaume des cieux. Quand tu as ton visa, tu as encore besoin de beaucoup d'étapes pour vraiment être en Allemagne. Tu dois d'abord acheter le visa, le ticket, le billet. Tu dois préparer ta valise et tout ça. Et entrer dans l'avion. Et c'est comme ça aussi dans le royaume des cieux. Pour être dans le royaume des cieux, tu as, oui, quand tu es né de nouveau, c'est comme un visa. Mais pour y être, il y a encore beaucoup de pas à prendre. Are you getting it? Remember 2 Corinthians 6, where we read. He said, come out of them, so that I will be your father. Because before 6, then, I'm not your father. Are you getting it? So that you will be my daughter, so that you will be my son. Get out of them. Are you getting it? To be in heaven, it takes process. And, you know, it takes time. And the process, a lot of things will take place. Just like when you get visa. You have not bought the ticket. And the port of entry is it. There are a lot of things. Even to come here and become a citizen is something else. You can see that it's a long journey. So also, once you come to Christ. No, amen. Yeah. Und genauso sehen wir, dass es halt eine lange Reise ist, dass nach der Errettung, es ist halt wie das Visum, dass du musst jetzt erstmal dann das Ticket kaufen, du musst fliegen, du musst dort ankommen, die Sprache lernen, all das. Und so ist es auch mit der Errettung, das sagt der Herr ja auch, komm aus ihnen raus, komm aus dieser Welt raus, damit ihr mein Volk sein könnt, damit ihr euch meine Söhne und meine Töchter nennen könnt. Ne, ihr müsst da erstmal rauskommen. Und dieses Rauskommen ist dieses im Himmel leben. Donc, il dit aussi, il nous dit à Colossiens qu'on doit sortir de là pour être ses fils. On doit d'abord sortir du naturel pour être du surnaturel. Donc, ça signifie que quand tu as acheté ton visa, en fait, quand tu es né de nouveau, tu as besoin encore de faire beaucoup des pas pour... Tu dois sortir de là pour d'abord pour être finalement dans son royaume. Amen. You know, as time goes on, you now know that you are not coming out to be his daughter. You are his daughter. That is why you are coming out. Amen. Und irgendwann erkennst du, dass du nicht raus aus der Welt gehst. Like Ogewa said, the testimony. Amen. Dass du nicht raus aus der Welt gehst, um seine Tochter oder seinen Sohn zu werden, sondern dass du raus aus der Welt gehst, weil du seine Tochter bist und weil du sein Sohn bist. Amen. Tu vas comprendre au fur et à mesure que tu ne sors pas de là parce que tu veux être sa fille ou bien son fils, mais tu sors de là parce que tu es sa fille ou son fils. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. And that is why the message we are already in heaven is not for everybody. Deswegen ist diese Botschaft, dass wir schon im Himmel sind, nicht für jeden. Et c'est pour cela le message que nous sommes déjà dans le royaume des cieux n'est pas pour tout le monde. You choose to be in heaven. Du entscheidest, ob du im Himmel bist. C'est à toi de choisir si tu veux you être choose dans le royaume des cieux. Du entscheidest auch weiterhin zu bleiben. C'est à toi de choisir si tu vas continuer à rester là. The Lord never force you to be there. Der Herr, Herr zwingt dich nicht dort zu sein. Parce que l'Éternel ne va pas te forcer à y rester. Just like he never forced Lucifer to remain in heaven. Genauso wie er Lucifer nicht gezwungen hat, im Himmel zu bleiben. Er hat ihn ausgetrieben. Tout comme il a jamais a forcé à Lucifer de rester dans le royaume des cieux. Il l'a chassé. Praise the Lord. Amen. Amen. This message is for those that have gone through, that have, you know, just choose Christ and choose Christ and choose. Diese Botschaft ist für die Leute, in spite of everything, die sich immer wieder für Christus entschieden haben, trotz der ganzen Umstände. Ce message est seulement pour les gens qui sont en train de choisir Jésus-Christ jour et nuit. Et oui, et ça, c'est seulement pour ces gens-là. Vous êtes déjà là. And if you are not there, please choose Christ to be there. Und wenn du nicht dort bist, dann wähle Christus, um dort zu sein. Et si tu n'es pas là, donc apprends de choisir Jésus-Christ pour y être. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Because of somebody.